Herman Day du music. Eddie, tout ce que tu fais est bon. Repose en paix, mon ami. Amen. Ezekiel, Carmen Sama, La Chouana, Mémé Dandy Hélène, la matina, y'a quoi vous? La soirée va commencer. Tout le monde est prêt à recevoir le disque. Le disque d'or que tu as toujours voulu. Mais tu n'es pas là pour soulever ce disque. On sait que tu t'es battu comme un lion. Comme un bon petit nous si tu recules pas. Sache qu'on ne t'oubliera jamais, alors jamais. Ta sœur Claire Bailly, la première dame du coupé décalé.